De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Contes cruels, Souvenirs occultes. Je suis issu, me dit-il, moi, dernier Gaël, d'une famille de Celtes durs comme nos rochers. J'appartiens à cette race de marins, fleur illustre d'Armor, souche de bizarres guerriers dont les actions d'éclat figurent au nombre des joyaux de l'histoire. L'un de ses devanciers, excédé, jeune, encore, de la vue ainsi que du fastidieux commerce de ses proches, s'exila pour jamais et le cœur plein d'un mépris oublieux du manoir natal. C'était lors des expéditions d'Asie. Il s'en alla combattre aux côtés du bailli de Suffrène et se distingua bientôt dans les Indes par de mystérieux coups de main qu'il exécuta seul à l'intérieur des cités mortes. Ces villes, sous des cieux blancs et déserts, gisent effondrées au centre d'horribles forêts. Les faréoles, l'herbe, les rameaux secs jonchent et obstruent les sentiers qui furent des avenues populeuses d'où le bruit des chars, des armes et des chants s'est évanoui. Ni souffle, ni ramage, ni fontaine en la calme horreur de ces régions. Les Bengalis eux-mêmes s'éloignent ici des vieux ébéniers, ailleurs leurs arbres. Entre les décombres, accumulés dans les éclaircies, d'immenses et monstrueuses éruptions de très longues fleurs, calices funestes où brûlent les esprits du soleil s'élancent, striés d'azur, nuancés de feu, veinés de cinabre, pareils aux radieuses dépouilles d'une myriade de paons disparus. Un air chaud de mortels arômes pèse sur les muets débris, et c'est comme une vapeur de cassolette funéraire, une bleue, enivrante et torturante sueur de parfum. Le hasardeux vautour qui, pèlerin des plateaux du Kaboul, s'attarde sur cette contrée et la contemple du fait de quelques dattiers noirs, ne s'accroche aux lianes tout à coup que pour s'y débattre en une soudaine agonie. Ça et là des arches brisées, d'informes statues, des pierres aux inscriptions plus rongées que celles des Sardes, de Palmyre ou de Khorsabad. Sur quelques-unes qui ornèrent le fronton jadis perdu dans les cieux des portes de ces cités, l'œil peut déchiffrer encore et reconstruire le zend à peine lisible de cette souveraine devise des peuples libres d'alors « Et Dieu ne prévaudra ». Le silence n'est troublé que par le glissement des crotales qui ondulent parmi les fûts renversés des colonnes ou se lovent en sifflant sous les mousses roussâtres. Parfois, dans les crépuscules d'orage, le cri lointain de l'hémione alternant tristement avec les éclats du tonnerre inquiète la solitude. Sous les ruines se prolongent des galeries souterraines aux accès perdus. Là, depuis nombre de siècles, dorment les premiers rois de ces étranges contrées, de ces nations, plus tard sans maîtres dont le nom même n'est plus. Or, ces rois, d'après les rites de quelques coutumes sacrées sans doute, furent ensevelis sous ces voûtes avec leurs trésors. Aucune lampe n'illumine les sépultures. Nul n'a mémoire que le pas d'un captif des soucis de la vie et du désir ait jamais importuné le sommeil de leurs échos. Seule la torche du Brahmine, ce spectre altéré de Nirvana, ce muet esprit, simple témoin de l'universelle germination des devenirs, tremble, imprévu, à de certains instants de pénitence ou de songerie divine, au sommet des degrés disjoints, et projette, de marche en marche, sa flamme obscurcie de fumée, jusqu'au profond des caveaux. Alors les reliques, tout à coup, mêlées de lueurs, étincellent d'une sorte de miraculeuse opulence. Les chaînes précieuses qui s'entrelacent aux ossements semblent les sillonner de subites éclairs. Les royales cendres, toutes poudreuses de pierreries, scintillent, telle la poussière d'une route que rougit avant l'ombre définitive quelques derniers rayons de l'Occident. Les maharajas font garder par des hordes d'élite les lisières des forêts saintes et surtout les abords des clairières où commence le pêle-mêle de ces vestiges. Interdits de même sont les rivages, les flots et les ponts écroulés des euphrates qui les traversent. De taciturnes milices de cipayes, au cœur de hyènes incorruptibles et sans pitié, rôdent sans cesse, de toutes parts, en ces parages meurtriers. Bien des soirs, le héros déjoua leurs ruses ténébreuses, évita leurs embûches et confondit leur errante vigilance. Sonnant subitement du cor dans la nuit sur des points divers, il les isolait par ses alertes fallacieuses, puis, brusque, surgissait sous les astres dans les hautes fleurs, éventrant rapidement leurs chevaux. Les soldats, comme à l'aspect d'un mauvais génie, se terrifiaient de cette présence inattendue. Doués d'une vigueur de tigre, l'aventurier les terrassait alors un par un d'un seul bond, les étouffait tout d'abord à demi dans cette brève étreinte, puis, revenant sur eux, les massacrait à loisir. L'exilé devint ainsi le fléau, l'épouvante et l'extermination de ces cruelles gardes aux faces couleur de terre. Bref, C'était celui qui les abandonnait, cloués à de gros arbres, leur propre yatagan dans le cœur. S'engageant ensuite, au milieu du passé détruit, dans les allées, les carrefours et les rues de ces villes des vieux âges, il gagnait, malgré les parfums, l'entrée des sépulcres non pareils où gisent les restes de ces rois hindous. Les portes n'en étaient défendues que par des colonnes de jaspe, sorte de monstres ou d'idoles aux vagues prunelles de perles et d'émeraudes, aux formes créées par l'imaginaire de théogonies oubliées. Il y pénétrait aisément, bien que chaque degré descendu fît remuer les longues ailes de ses dieux. Là, faisant main basse autour de lui dans l'obscurité, domptant le vertige étouffant des siècles noirs dont les esprits voltaient, heurtant son front de leur membrane, il recueillait, en silence, mille merveilles. Tel Cortés au Mexique et Pizarre au Pérou s'arrogèrent les trésors des caciques et des rois, avec moins d'intrépidité. Les sacoches de pierreries au fond de sa barque, il remontait sans bruit les fleuves en se garant des dangereuses clartés de la lune. Il nageait, crispé sur ses rames, au milieu des ajoncs, sans s'attendrir aux appels d'enfants plaintifs que larmoyaient les caïmans à ses côtés. En peu d'heures, il atteignait ainsi une caverne éloignée, de lui seul connue, et dans les retraits de laquelle il vidait son butin. Ses exploits s'ébrutèrent, de là des légendes psalmodiées encore aujourd'hui dans les festins des nababs à grand renfort de théorbes par les fakirs. Ces vermineux trouvèrent, non sans un vieux frisson de haineuse jalousie ou d'effroi respectueux, y décernent à cet aïeul le titre de spoliateur de tombeau. Une fois cependant, l'intrépide Nocher se laissa séduire par les insidieux et mielleux discours du seul ami qu'il s'adjoignit jamais dans une circonstance tout spécialement périlleuse. Celui-ci, par un singulier prodige, en réchappa, lui. Je parle du bien-nommé, du trop fameux colonel Sombre. Grâce à cet oblique irlandais, le bon aventurier donna dans une embuscade. Aveuglé par le sang, frappé de balles, cerné par 20 cimeters, il fut pris à l'improviste et périt au milieu d'affreux supplices. Les hordes himalayennes, ivres de sa mort et dont les bonds furieux d'une danse de triomphe coururent à la caverne, les trésors une fois recouvrés, ils s'en revinrent dans la contrée maudite. Les chefs rejetèrent pieusement ces richesses au fond des antres funèbres où gisent les mânes précités de ces rois de la nuit du monde et les vieilles pierreries y brillent encore, pareilles à des regards toujours allumés sur les races. J'ai hérité, moi, le Gaël, des seuls éblouissements, hélas, du soldat sublime et de ses espoirs. J'habite ici, dans l'Occident, cette vieille ville fortifiée où m'enchaîne la mélancolie. Indifférent aux soucis politiques de ce siècle et de cette patrie, au forfait passager de ceux qui les représentent, je m'attarde, quand les soirs du solennel automne enflamment la cime rouillée des environnantes forêts, parmi les resplendissements de la rosée. Je marche, seul, sous les voûtes des noires allées, comme l'aïeul marchait sous les cryptes de l'étincelante obituaire. D'instinct, aussi, j'évite, je ne sais pourquoi, les néfastes lueurs de la lune et les malfaisantes approches du Maine. Oui, je les évite quand je marche ainsi avec mes rêves. Car je sens alors que je porte dans mon âme le reflet des richesses stériles d'un grand nombre de rois oubliés.